Chapitre 11e. Et puis la scène avec Ralston. Chose bizarre, il n'avait jamais été sympathique à Chips. C'était un homme énergique, impitoyable, ambitieux, mais sans qu'on sût bien pourquoi, pas très aimable. Il avait, il faut le reconnaître, relevé la situation de Brookfield en tant qu'école et, pour la première fois depuis l'origine, il avait une longue liste d'élèves attendant qu'il y eût de la place. Ralston était un fil de communication vivant, un bon transmetteur de force, mais il fallait se méfier de lui. Chips ne s'était jamais inquiété de se tenir sur ses gardes. L'homme ne lui était pas sympathique, mais il le servait avec bonne volonté et une parfaite loyauté. Ou plutôt, il servait Brookfield. Il savait que Ralston, de son côté, ne l'aimait pas, mais cela lui semblait être égal. Il se sentait suffisamment protégé par son âge et son ancienneté dans la maison contre le sort réservé à d'autres maîtres, qui n'avaient pas plu à Ralston. Et voici que soudain, en 1908, alors qu'il venait de doubler le cap de la soixantaine, Ralston lui posa courtoisement son ultimatum. « Monsieur Chipping, avez-vous jamais pensé que vous aimeriez prendre votre retraite ?» Chips regarda autour de lui, ce cabinet dont tous les murs étaient tapissés de livres, saisi de cette question, se demandant pourquoi Ralston la lui avait posée, et dit enfin « Non, je ne peux pas dire que j'y ai beaucoup songé jusqu'ici. » « Eh bien, monsieur Chipping, c'est une idée à laquelle vous aurez à réfléchir. Bien entendu, le conseiller d'administration serait tout disposé à vous accorder une pension convenable. » Brusquement, Chips prit feu et flamme. « Mais je ne désire pas prendre ma retraite. Je n'ai pas à envisager cette idée. » Et la discussion continua ainsi, Ralston de plus en plus froid et sec, Chips s'échauffant et se passionnant jusqu'au moment où Ralston prononça enfin d'un ton glacial « Puisque vous me forcez à parler net, monsieur Chipping, je vais vous dire la vérité. Depuis quelque temps, vous ne remplissez pas votre tâche ici convenablement. Votre méthode d'enseignement est démodée, manque de vigueur, vous vous négligez personnellement et vous ne tenez aucun compte de mes recommandations à un point que chez un collaborateur plus jeune, je considérerais cela comme une preuve d'insubordination intolérable. Cela ne peut pas continuer, monsieur Chipping. Et il m'a fallu beaucoup de patience, vous en conviendrez, pour supporter cela si longtemps. Mais, commença Chips au comble de la stupeur. Puis soudain, relevant dans cet extraordinaire réquisitoire des termes isolés, il continua. Je me néglige, avez-vous dit. Oui, regardez la robe que vous portez. J'ai appris par hasard que c'est un sujet de plaisanterie incessante dans toute l'école. Chips lui aussi le savait, mais cela ne lui avait jamais fait l'effet d'être bien fâcheux. « Et, poursuivit-il, vous avez également parlé d'insubordination. »« Non, pas exactement. J'ai dit que chez un homme plus jeune, cela m'aurait paru en être. De votre part, c'est probablement à la fois de l'indolence et de l'obstination. Cette question, par exemple, de la prononciation du latin. Je vous ai dit, je crois, il y a des années, que je voulais voir adopter la nouvelle prononciation dans toute l'école. » Les autres professeurs m'obéissent, vous seul préférez vous en tenir à votre vieille routine. Il n'en résulte que confusion et mauvais résultats. Chips avait enfin quelque chose de tangible à quoi s'attaquer. « Oh, c'est ça !» riposta-t-il d'un ton dédaigneux. « Ma foi, je reconnais que je n'approuve pas la prononciation nouvelle. Je ne l'ai jamais admise. C'est à mon avis une absurdité. Faire prononcer les élèves à l'école Kikero, alors que le restant de leur jour, ils diront Cicéron. Si tant est qu'ils le disent jamais. Et au lieu de Vicissim, Dieu me pardonne, vous leur ferez dire Wekissim, nous l'embrassons. » Il ricana un bon moment, oubliant qu'il était dans le cabinet de Ralston et non pas dans sa salle de classe familière. Eh bien, c'est tout à fait cela, monsieur Chipping. Voilà précisément un exemple de ce dont je me plains. Vous êtes d'un avis et moi d'un autre, et puisque vous refusez de céder, il ne peut guère y avoir deux solutions. Je m'efforce de faire de Brookfield une école absolument à la page. Je suis quant à moi un scientifique, mais malgré cela, je ne suis nullement opposé à l'enseignement classique, pourvu qu'on le donne de façon que les élèves en tirent profit. Parce que ce sont des langues mortes que le grec et le latin, ce n'est pas une raison pour qu'on leur applique des méthodes d'enseignement également mortes. Si je ne me trompe, M. Chipping, vos cours de grec et de latin sont exactement ceux qu'ils étaient il y a 10 ans quand je suis arrivé ici. Quant à cela, répondit Chips avec lenteur et fierté, ce sont les mêmes que lorsque votre prédécesseur, M. Meldrum, a pris la direction. Et c'était il y a 38 ans. Nous avons débuté ici, M. Meldrum et moi, en 1870. Et c'est le prédécesseur de M. Meldrum, M. Weatherby, qui est le premier, à prouver mon programme et ma méthode. Vous prendrez Cicéron pour la quatrième, m'a-t-il dit. Cicéron, lui aussi, et non Cicero. Très intéressant, M. Chipping. Mais encore une fois, cela prouve la justesse de mon dire. Vous vivez trop dans le passé, et pas assez dans le présent et dans l'avenir. En outre, vos élèves n'apprennent même pas ce que vous êtes supposé leur enseigner. Pas un d'eux, l'année dernière, n'a obtenu le certificat de premier degré. Soudain, là-dessus, emporté par un torrent de pensées trop pressantes pour qu'il pût les formuler, Chips se répondit à lui-même. Ces examens, ces certificats et autres histoires du même genre, à quoi bon? Et tous ces résultats pratiques, cette mise à la page, à quoi servaient-ils? Alston entreprenait de diriger Brookfield comme une manufacture, une usine destinée à produire une culture de snobs ayant pour base l'argent et les machines. Les vieilles traditions de familles aristocratiques et de grands propriétaires changeaient, ainsi qu'il était sans doute inévitable. Mais au lieu de les élargir pour former une véritable démocratie englobant depuis le duc jusqu'au balayeur, Alston les rétrécissait en vue d'un unique résultat, le gros compte en banque. Il n'y avait jamais eu à Brookfield autant de fils de parents riches. La garden party du jour du concours d'éloquence ressemblait au paysage d'Ascot. Alston rencontrait ces personnages opulents dans les clubs de Londres et les persuadait que Brookfield était l'école de l'avenir et comme il ne pouvait s'ouvrir à coups d'argent à la porte d'Eton et de Harrow, il mordait goulûment à l'hameçon. Affreux, certaines de ces gens. D'autres, pourtant, assez convenables, financiers, lanceurs de sociétés, fabricants de produits pharmaceutiques. L'un d'eux donnait à son fils 5 livres sterling d'argent de poche par semaine, façon vulgaire, ostentatoire, n'ayant aucun sens de l'humour, aucun sentiment des proportions. Voilà ce qui les caractérisait, ces nouveaux riches. Aucun sentiment des proportions. Et c'était cela, par-dessus tout, que Brookfield aurait dû enseigner, et pas tellement de latin ou de grec, de chimie ou de mécanique. Tout cela lui traversa l'esprit comme un éclair, en un instant de protestation et d'indignation, mais il n'en dit pas un mot. Il se contenta de serrer autour de lui sa robe déchirée, et avec les s'éloigna de quelques pas. Il en avait assez de cette discussion. Arrivé à la porte, il se retourna et dit « Je n'ai pas l'intention de prendre ma retraite, et vous pouvez à ce sujet faire ce qu'il vous plaira. » En revoyant cette scène avec le calme que donne l'éloignement d'un quart de siècle, Chips trouvait dans son bon cœur le moyen de plaindre un peu Alston. En effet, le hasard avait voulu qu'un petit élève qui, ce matin-là, attendait pour être reçu par Alston, eût entendu derrière la porte toute cette conversation. Naturellement, il en avait été très frappé et l'avait raconté à ses camarades. Quelques-uns d'entre eux, dans un délai étonnamment bref, en avaient parlé à leurs parents. En sorte que très vite, tout le monde avait su que Ralston avait insulté Chips et lui avait demandé de donner sa démission. La conséquence fut prodigieuse. Il se produisit une explosion spontanée de sympathie, un groupement de partisans, comme Chips n'en aurait jamais imaginé dans ses rêves les plus insensés. Il découvrit, à son grand étonnement, que Ralston n'était pas du tout populaire. On le craignait, on le respectait, mais on ne l'aimait pas. Et à propos de cette question de Chips, l'animadversion prit une intensité capable de dominer la crainte et d'anéantir le respect. On parla d'organiser une sorte de soulèvement général de l'école si Ralston réussissait à en chasser Chips. Les professeurs, dont beaucoup, hommes jeunes, reconnaissaient que Chips était vieux jeu d'une façon désespérante, ne s'en rallièrent pas moins autour de lui parce qu'ils détestaient l'autorité despotique de Ralston et voyaient dans leur vieux collègue un champion de la résistance. Un jour, le président du conseil d'administration, Sir John Rivers, faisant une visite à Brookfield, ne s'adressa pas à Ralston, mais alla droit à Chips. « Un homme remarquable, Sir Rivers, » disait Chips en racontant cette histoire à Madame Wickett pour la 12e fois. « Pas très brillant élève en classe. Je me rappelle qu'il n'a jamais pu savoir bien ses verbes. Et maintenant, je lis dans les journaux qu'il vient d'être nommé baronnet. Cela prouve, cela suffit à vous prouver... » Ce matin-là, en 1908, Sir John, prenant Chips par le bras, pour faire avec lui le tour du terrain de cricket alors désert, lui avait dit « Chips, mon vieil ami, j'ai appris que vous avez eu une discussion pénible avec Ralston. J'en suis désolé pour vous, mais je veux que vous sachiez que les administrateurs sont tous pour vous, tous, sans exception. Nous ne l'aimons pas énormément, ce monsieur. Très intelligent et tout ce que vous voudrez, un peu trop malin même, si vous me demandez mon avis. Il se flatte d'avoir doublé la dotation de l'école, en faisant des tripotages à la bourse avec nos fonds. Je crois que c'est vrai, mais un gaillard comme celui-là a besoin d'être surveillé. Alors, si on recommence à le prendre de haut avec vous, dites-lui bien poliment d'aller au diable. Le conseil d'administration ne veut pas que vous vous retiriez. Brookfield ne serait plus le même sans vous. Il ne l'ignore pas. Nous le savons tous. Vous pouvez rester ici jusqu'à ce que vous soyez centenaire, si cela vous plaît. Nous espérons sincèrement que c'est ce que vous ferez. » Et là-dessus, aussi bien ce jour-là que quand il racontait l'histoire dans la suite, et c'était souvent, Chips perdait contenance.